la sexualité est apparue comme le problème fondamental que l'homme a à résoudre. Longtemps, le sexe a été réprimé. Longtemps, il a été hors la loi, objet d'interdits et de censure. Telle est l'histoire qu'on aime à se raconter. Telle est pourtant l'histoire que Michel Foucault a tenté de déconstruire dès 1976 et avec les 4 volumes de son Histoire de la sexualité. Car pour le philosophe, loin d'avoir été empêché, nous avons plutôt été obligés. Obligés de dire, de se dire à soi-même et de dire à un autre tout ce qui peut concerner le jeu des plaisirs, les sensations et les pensées innombrables qui ont quelque affinité avec le sexe. Mais pourquoi parler de sexe nous semble-t-il malgré tout, et encore, libérateur ? Quelle vérité sur soi-même veut-on atteindre en parlant ? Et en parler, est-ce forcément, non pas s'émanciper, mais être encore aliéné ? Histoire de la sexualité de Michel Foucault, aujourd'hui, volume 1, La volonté de savoir. Je me suis demandé si cette analyse en termes tactiques, stratégiques et positifs du pouvoir que j'avais fait à propos de la prison, si cette analyse, on ne pouvait pas la transposer à propos de la sexualité. Et si à propos de la sexualité, il ne fallait pas plutôt poser le problème. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la sexualité ? Qu'est-ce qu'on fait quand on en parle ? Qu'est-ce qu'on fait quand on s'intéresse à elle ? Ou qu'est-ce qu'on veut faire ? À quoi ça sert ? Je ne m'intéresse qu'au sexe. Tu ne trouves pas qu'on parle beaucoup de sexe ? Et que deux choses importantes dans la vie, la lutte des classes et la sexualité. Je dirais que la sexualité a été inventée. Bonjour Daniele Lorenzini. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'université de Warwick au Royaume-Uni. Vous êtes spécialiste de l'œuvre de Michel Foucault, auteur de plusieurs ouvrages sur Michel Foucault, Éthique et politique de soi, paru aux éditions Vrin, La force du vrai, paru aux éditions du Bord de l'eau. Vous êtes ici pour ouvrir cette semaine sur l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, livre en 4 volumes. Donc il s'agit d'exposer aujourd'hui le projet et le premier livre de ces 4 volumes, donc qui s'intitule La volonté de savoir. Et ça tombe bien puisque vous, Daniele Lorenzini, vous avez découvert Michel Foucault avec La volonté de savoir. Bah, c'est vrai. D'abord, merci Géraldine pour cette invitation. Et c'était ma deuxième année de licence à l'université de Pise. Et un professeur de l'université de Chicago, Arnold Davidson, était là et il a donné un cours sur l'histoire de la sexualité. Des Michel Foucault, et donc La volonté des savoirs, c'est les premiers livres de Foucault que j'ai lus, et c'était, à partir de là, ce n'était qu'un début en fait. Et c'était à peu près en quelle année que... conversion. C'est en quelle année que vous l'avez lu, La volonté de savoir ? C'était 2005 en fait. Parce que moi, je l'ai lu ces dernières semaines pour la première fois, donc je l'ai lu en 2022, et il y a effectivement quelque chose de l'ordre du choc, quelque chose de passionnant qui se joue sous nos yeux, comme si tout à coup on nous découvrait quelque chose, un enjeu majeur dans la sexualité et dans le fait que le sexe ait été mis en discours. Mais le fait de le lire en 2022 aussi quelque chose de perturbant, puisque Foucault part quand même de cette thèse assez étonnante, selon laquelle parler de sexe n'est pas forcément une libération. Or, après le mouvement MeToo et la libération de la parole, cette thèse-là semble un petit peu datée, ou alors est-ce qu'on pourrait dire que Foucault s'est trompé sur la libération de la parole ? Alors, c'est vrai qu'il faut replacer ces livres dans son contexte historique. Ça, c'est la première chose qu'il faudrait dire. Foucault écrit ce livre justement pour essayer de problématiser une série des réponses ou cette notion de la libération sexuelle. Mais je pense qu'il y a encore une actualité de ses livres et de l'œuvre de Foucault plus en général, dans la mesure où Foucault a toujours été un peu perplexe ou critique par rapport à la notion de libération en tant que telle, tout simplement pour dire, bon, c'est ce que Foucault pensait en tout cas, que lorsqu'on utilise les mots de libération, on court un petit peu les risques des pensées qu'une fois qu'on a fait l'acte ou qu'on a dit certaines choses, du coup, on a sauté au-delà du pouvoir. Et ce que Foucault veut, nous dire, c'est qu'on est toujours à l'intérieur des rapports des pouvoirs et que la libération... et qu'il faudrait penser la libération plutôt du côté d'une série d'actes des libertés qu'on doit continuer à pratiquer. Et d'ailleurs, les réflexions de Foucault, alors un petit peu plus tard, sur les contre-conduites et sur les courages de la vérité, je pense qu'ils peuvent être mis en relation avec les mouvements MeToo, d'une façon beaucoup plus positive. Donc moi, je pense que Foucault aurait tout à fait accueilli les mouvements MeToo comme une forme de contre-conduite et des courages de la vérité qu'il n'aurait probablement, ou je suis assez sûr de ça, pas condamné ou critiqué de ce point de vue-là. Juste un petit peu, peut-être, montrer ou évoquer les risques de parler de libération comme si tous les problèmes étaient résolus. Voilà. Au moment où Michel Foucault écrit l'histoire de la sexualité, en tout cas ce premier volume, nous sommes en 1976. À ce moment-là, Foucault a déjà écrit Histoire de la folie à l'âge classique, Les mots et les choses, et Surveiller et punir en 1975, donc l'année d'avant. Pourquoi s'intéresse-t-il à la sexualité? Est-ce un domaine parmi un autre qui s'inscrit dans toutes les thèses qui l'intéressent, à savoir les dispositifs, les mécanismes de pouvoir, ou est-ce que vraiment il avait un intérêt particulier pour ce domaine-là? Alors, Foucault commence à s'intéresser en fait à la sexualité déjà dans les années 60. Mm-hmm. Il donne des cours à Clermont-Ferrand et à Vincennes sur la sexualité, mais jusqu'au début des années 70, et ça c'est très étonnant pour quelqu'un qui lit les premiers tomes de l'histoire de la sexualité, jusqu'au début des années 70, Foucault utilise encore la notion de répression. Donc il est encore dans cette précisément dans ces contextes qu'ensuite il va critiquer dans les premiers tomes de l'histoire de la sexualité, où justement il commence par déconstruire ce qu'il appelle l'hypothèse répressive, cette idée que en gros la sexualité aurait été réprimés et plus en général que les pouvoirs fonctionneraient de manière répressive, fonctionneraient en disant non plutôt qu'en créant, en suscitant des discours, des rapports, des actes. Donc c'est un intérêt, celui pour la sexualité, que Foucault a depuis longtemps, mais ce n'est que dans les années 70 qu'il renverse un petit peu ses postulats du pouvoir en tant que répression, et qu'il devient donc possible pour lui d'écrire non pas l'histoire de la répression de la sexualité, mais l'histoire de l'expression de la sexualité, de l'explosion discursive à propos de la sexualité. Et c'est ça le premier tome de l'histoire de la sexualité. Donc, de la volonté de savoir. Je vous propose, Daniele Lorenzini et auditeurs et auditrices, qu'on entende tout de suite un premier extrait de ce premier volume de l'histoire de la sexualité où justement Foucault va insister sur cette importance en fait du discursif, du discours en fait, du sexe mis en discours. L'homme en Occident est devenu une bête d'aveu. De là sans doute une métamorphose dans la littérature. D'un plaisir de raconter et d'entendre, qui était centré sur le récit héroïque ou merveilleux des épreuves de bravoure ou de sainteté, on est passé à une littérature ordonnée, à la tâche infinie de faire lever du fond de soi-même, entre les mots, une vérité que la forme même de l'aveu fait miroiter comme l'inaccessible. De là aussi, cette autre manière de philosopher, chercher le rapport fondamental au vrai, non pas simplement en soi-même, mais dans l'examen de soi-même qui délivre les certitudes fondamentales de la conscience. L'obligation de l'aveu nous est maintenant renvoyée à partir de tant de points différents. Elle nous est désormais si profondément incorporée que nous ne la percevons plus comme l'effet d'un pouvoir qui nous contraint. Il nous semble au contraire que la vérité, au plus secret de nous-mêmes, ne demande qu'à se faire jour, que si elle n'y accède pas, c'est qu'une contrainte la retient, que la violence d'un pouvoir pèse sur elle et qu'elle ne pourra s'articuler enfin qu'au prix d'une sorte de libération. L'aveu affranchi, le pouvoir réduit au silence. La vérité n'appartient pas à l'ordre du pouvoir, mais elle est dans une parenté originaire avec la liberté. Autant de thèmes traditionnels dans la philosophie qu'une histoire politique de la vérité devrait retourner, en montrant que la vérité n'est pas libre par nature, ni l'erreur serve, mais que sa production est tout entière traversée des rapports de pouvoir. L'aveu en est un exemple. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. On vient donc d'entendre un extrait d'Histoire de la sexualité, premier volume, La volonté de savoir, un texte de 1976 interprété par Bernard Gabay. Et là, on a entendu un extrait du chapitre 3, il y en a 5 en tout dans La volonté de savoir. Ce troisième chapitre s'intitule Scienta sexualis, donc la science sexuelle. Et en l'écoutant, Daniele Lorenzini, on est tenté de se demander, mais où est le sexe? Est-ce que, et je repose la question, est-ce que finalement l'histoire du travail sur la répression et sur le pouvoir aurait pu s'appliquer à n'importe quel domaine plutôt qu'à la sexualité? Alors, c'est une très bonne question. Bien évidemment, donc, il y a une réponse à cette question que Foucault essaye de donner dans les chapitres 5 du livre. Mm-hmm. On va peut-être revenir sur ces points où il va essayer de montrer que la sexualité devient un enjeu politique central au XVIIIe et au XIXe siècle, pour des raisons dont on va peut-être parler un petit peu plus loin. Mm-hmm. Mais c'est vrai que dans cet extrait, on a entendu cette expression d'histoire politique de la vérité, qui est un petit peu les slogans que Foucault utilise pour définir son projet dans les années 70 et 80. En gros, Foucault, d'ailleurs dans plusieurs domaines, essaye de déconstruire cette idée que la vérité nous rendra libres. Ces liens entre l'idée que connaître la vérité ou dire la vérité à propos de soi-même correspond automatiquement à une sorte de libération. Et c'est ce que Foucault veut nous montrer, dans plusieurs domaines, c'est justement que, par contre, la production des discours des vérités ou des discours qui se présentent comme des discours des vérités est traversée par des rapports de pouvoir. Et donc que les relations entre la vérité et les pouvoirs sont beaucoup plus importantes que ce qu'on pense d'habitude. Donc de là, deux questions. Pourquoi pense-t-on qu'en disant la vérité sur le sexe, nous allons atteindre la vérité de notre être? Pourquoi il y a cette équivalence entre sexualité et, on pourrait dire, vérité de mon être? Et puis, la deuxième question, c'est est-ce qu'il n'apparaît pas là, ici, plutôt qu'une volonté de savoir quelque chose de la sexualité, une volonté surtout de dire? Parce qu'il a bien cette expression, Foucault, l'homme en Occident est devenu une bête d'aveu. C'est-à-dire que nous cherchons à tout dire. Tout à fait. Et cette, donc en commençant par votre deuxième question, oui. Ces problèmes, si vous voulez, de la généalogie. Alors, l'histoire de la sexualité pour Foucault est au fond une généalogie de l'homme moderne, de l'être humain moderne, comme bête d'aveu, donc comme quelqu'un qui est toujours censé inciter d'avouer des choses, et notamment d'avouer sa propre sexualité. Et cela, vous allez les voir cette semaine, c'est un petit peu un fil rouge qui connecte aussi les premiers tomes de l'histoire de la sexualité au deuxième, troisième et quatrième tome. Et alors, la première question, pourquoi est-ce que on a cette idée qu'il faut dire vrai à propos de la sexualité? Alors, c'est toute la question de l'histoire de la sexualité pour Foucault. Cette idée qu'il y aurait un lien entre la sexualité et l'identité personnelle, cette idée que nous sommes notre sexualité, c'est justement la question que Foucault essaie de se poser. Et il la pose d'une manière historique, en allant justement en arrière, en essayant de voir dans l'Antiquité grecque, romaine et ensuite chrétienne, comment certaines notions de sujet, de subjectivité, a été créée autour la verbalisation des plaisirs et des désirs. Et donc c'est un petit peu c'est l'idée de la construction. Hein, c'est cette idée que si pour nous il va pratiquement de soi des pensées que il y a quelque chose de notre identité personnelle qui a trait à la sexualité. Foucault essaie de montrer dans les quatre volumes de l'histoire de la sexualité que cela ne va pas de soi et que c'est quelque chose qui a été construit au cours de notre histoire. Alors, Foucault reviendra sur cette idée d'identité entre sexualité et identité. Il en parle à la fin de La volonté de savoir et puis il en parle aussi dans cette archive du 11 janvier 1977, les après-midi de France Culture, où il parle du principe d'intelligibilité de la sexualité. Je dirais que la sexualité a été inventée. Bon, je veux dire, cette sexualité que nous croyons découvrir en nous-mêmes comme l'espèce de secret fondamental de notre existence, le principe de notre énergie, la libido qui traverse à la fois toute notre existence et tous nos comportements. Bon, cette sexualité-là, est-ce qu'elle est vraiment ce qui nous appartient en quelque sorte par nature? Est-ce que ce n'est pas l'effet d'une sorte de sexualisation générale de l'être humain, du comportement humain, du discours que l'homme tient sur lui-même, du rapport que l'individu a sur lui-même? Est-ce que ce n'est pas l'effet de tout cela? C'est-à-dire de tout un énorme mécanisme d'assujettissement. Enfin, il ne faut pas oublier que dans les sociétés chrétiennes, depuis le fond du Moyen-Âge, on a obligé les gens non seulement à se confesser, à avouer tous leurs péchés, mais également à s'examiner eux-mêmes et à retrouver toujours la fameuse concupiscence, comme on disait, au principe de tous les péchés. La sexualité, c'est devenu notre vérité. Si bien qu'on peut dire qu'à partir des conduites de plaisir, comme les conduites sexuelles, on a bâti cet énorme édifice de la sexualité, comme, si vous voulez, principe d'intelligibilité de tout notre comportement et de tout notre être. Alors on a là l'explication très claire hein, par Foucault lui-même de cette identification entre la sexualité et notre être. Et puis il revient, Foucault aussi dans cette archive, sur l'aveu. Hein, on n'a pas, il faut approfondir ce thème de l'aveu, Daniele Lorenzini, puisque ce qui intéresse Foucault, c'est moins la sexualité. D'ailleurs, il s'en défend hein, à un moment donné du livre en disant « on va m'accuser de parler de la sexualité sans sexe ». Mais c'est vrai que ce qui l'intéresse plus, c'est la mise en discours du sexe. Et donc le fait d'en parler, et donc le passage de cet aveu obligatoire pour faire la lumière sur soi et sur ses travers, à l'aveu volontaire. On ne cesse de parler de sa sexualité, et on ne cesse même plus, nous dit-il, de dire qu'on est réprimé dans notre sexualité. C'est précisément ça, et c'est l'idée justement que Foucault a de montrer que l'aveu, c'est une technique de pouvoir, en fait. Et donc, c'est cette idée qu'il y aurait eu une transformation ou un passage de la confession chrétienne aux techniques médicales, psychanalytiques, etc., dans la modernité, où, en gros, l'enjeu est toujours le même, de dire les vrais à propos du sexe, et de dire les vrais à propos du sexe et de la sexualité, parce qu'on attend quelque chose de ces discours. Donc, lorsqu'il s'agissait de la confession chrétienne, il fallait voir dans des actes sexuels l'origine de certains péchés, et donc avouer ces actes et ces désirs, c'était nécessaire pour son salut. Et il y aurait, selon Foucault, une idée d'un passage de ces mécanismes dans des techniques médicales psychanalytiques, ou alors on cherche la guérison de ces névroses, par exemple, penser à Freud, où la sexualité est encore et toujours pensée comme cette origine de la vérité de nous-mêmes, même si en même temps, cet obstacle qu'il faut verbaliser afin d'attendre une guérison, afin d'attendre la santé, afin d'attendre son salut, etc. Donc il n'y a pas qu'un enjeu de vérité, il y a aussi un enjeu, est-ce qu'on pourrait dire, à la fois moral, car il y a toujours cette idée quand même de bien et de mal. Si je dois avouer quelque chose, c'est que s'il y a un aveu, c'est qu'il y a quelque chose, on suppose, de mauvais que j'ai fait, même si cet aveu, car je suis devenue une bête d'aveu, devient une forme d'interrogatoire ou au contraire de délibérément, hein, une analyse psychanalytique, par exemple, il y a quand même encore cette idée de morale et puis il y a encore cette idée aussi de guérison. Donc, il y a bien cette idée de mal, soit de l'ordre de l'aveu, soit de mal à guérir, vous voyez ? Absolument, et je pense que c'est un thème qui reviendra, hein, lorsque vous allez parler surtout du quatrième tome de l'histoire de la sexualité, les aveux de la chair. Mm-hmm. Cette idée qu'il y a toujours quelque chose d'impur, il y a toujours cette idée que la sexualité, c'est quelque chose d'un petit peu dangereux, ou quelque chose qu'il faut maîtriser, qu'il faut contrôler, parce que justement il y aurait un lien entre les mâles et certains actes sexuels. Bon, c'est un petit peu cette généalogie du dire vrai sur la sexualité, sur sa propre sexualité, afin d'attendre un salut ou la guérison, que Foucault essaye de construire pour justement nous montrer que rien de tout cela n'est innocent. Ce sont des rapports de pouvoir. Et lorsqu'on dit vrai sur nous-mêmes ou sur notre sexualité, on est pris dans des relations de pouvoir qu'il faut interroger. Donc, on retrouve quand même cette notion de pouvoir chez Foucault. Donc, effectivement, le pouvoir n'est pas chez lui quelque chose de l'ordre d'un point qui nous dominerait, qui serait très localisé, mais au contraire, il y a des lignes de pouvoir qui nous traversent. Mais on entend bien quand même si Foucault critique cette idée de se libérer de la répression du sexe par la parole, on entend quand même bien qu'il y a quand même un enfermement des individus. C'est-à-dire qu'on se trompe en pensant que le discours et qu'en parler de sexe va nous libérer, mais néanmoins, le fait est là. Si nous sommes traversés par des enjeux de pouvoir, si on est pris en charge, si on doit suivre un certain nombre de normes et s'il y a une idée de la morale et du mal et d'une guérison, c'est bien qu'on est en faute. Tout à fait. Et c'est un petit peu l'idée de Foucault qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de dehors absolu du pouvoir. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des résistances ou des contre-conduites ou des choses qu'on peut faire afin d'essayer justement de combattre les effets des pouvoirs. Mais ce qui veut dire que, selon Foucault du moins, on est toujours pris, on a toujours affaire à des manières de se conduire et d'être conduit par des autres. Et l'aveu sur la sexualité, c'est pour Foucault l'une des manières principales dans lesquelles, dans notre modernité du moins, mais aussi dans l'histoire de l'Occident chrétien, on a essayé de conduire les gens. Hein, avec ces passages dont vous aviez parlé justement, d'une sorte d'obligation, donc l'aveu comme quelque chose qu'on oblige les gens à faire, à un passage où alors aujourd'hui, si on pense à Facebook, à d'autres réseaux sociaux, etc., où l'aveu devient quelque chose de tout à fait spontané, on n'attend que d'avouer nos choses, nos secrets, etc., à tout le monde. Et Foucault serait là justement pour nous dire attention, il n'y a pas là que des effets de libération, il y a aussi d'autres effets des pouvoirs qu'on doit interroger et qu'on devrait en effet essayer de comprendre. Ce qui veut dire qu'on n'est jamais libéré avec Foucault ? On n'est jamais complètement libéré. C'est que Foucault dit dans un entretien en 84, année de sa mort, c'est qu'au lieu de parler de libération comme point final ou comme utopie finale, il préfère parler de pratique de liberté. Donc avec cette idée que à chaque fois qu'on pense d'être libéré, il y aura toujours quelque chose d'autre, il y aura toujours d'autres rapports des pouvoirs qui viendront nous prendre, nous essayer de prendre au piège. Donc l'idée de Foucault, c'est éviter les utopies de la libération afin de concevoir la liberté comme une pratique qu'il faut toujours mettre en acte, en fait. Apparemment, tu ne comprends pas notre inquiétude. Je vais t'expliquer d'où elle vient. Comme tu le sais, je suis également pasteur dans la commune de Birkenbrunn. Il y a déjà quelques années de ça, une mère est venue me voir au sujet de son fils. Il avait à peu près ton âge. Et elle avait remarqué chez lui des symptômes similaires à ceux que je remarque depuis un certain temps chez toi. Ce garçon témoignait subitement d'une fatigue écrasante. Il évitait le regard de ses parents. Ça a duré environ 6 mois. Ensuite, tout est allé très vite. La nuit, il ne dormait plus. Il a développé toutes sortes d'abcès sur le visage, puis sur le corps, sur les bras, les jambes. Et il a fini par mourir. Tu comprends maintenant pourquoi je me fais du souci. D'après toi, quelle était la cause de tous ces changements qui ont valu à ce garçon une fin si pitoyable? Je n'en sais rien. Et moi, je pense que tu le sais. Tu ne veux pas me le dire? Non. Bien, dans ce cas, c'est moi qui vais te le dire. Ce garçon avait surpris un individu quelconque qui était en train de se nuire en abusant des nerfs les plus sensibles de son corps, là même où la loi divine a érigé des barrières sacrées. Le jeune garçon a ensuite imité ce geste et il n'a jamais pu arrêter de le faire. Il a si affreusement détraqué tous les nerfs de son corps qu'il a fini par en mourir. Je veux t'aider, mon fils. J'imagine qu'on accepte de dire que le discours sur le sexe, depuis 3 siècles maintenant, a été multiplié plutôt que raréfié. Et que s'il a porté avec lui des interdits et des prohibitions, il a d'une façon plus fondamentale assuré la solidification et l'implantation de tout un disparate sexuel. Il n'en demeure pas moins que tout cela semble n'avoir joué essentiellement qu'un rôle de défense. À tant en parler, on ne chercherait au fond qu'à masquer le sexe. Discours écran, dispersion évitement. Jusqu'à Freud au moins, le discours sur le sexe n'aurait guère cessé d'occulter ce dont il parlait. On pourrait prendre toutes ces choses dites, précautions méticuleuses et analyses détaillées, pour autant de procédures destinées à esquiver l'insupportable, la trop périlleuse vérité du sexe. Et le seul fait qu'on ait prétendu en parler du point de vue purifié et neutre d'une science est en lui-même significatif. Sous prétexte de dire vrai, partout elle allumait des peurs. Elle prêtait aux moindres oscillations de la sexualité une dynastie imaginaire de mots destinés à se répercuter sur des générations. elle a affirmé dangereuse pour la société tout entière, les habitudes furtives des timides et les petites manies les plus solitaires. Au bout des plaisirs insolites, elle n'a placé rien moins que la mort, celle des individus, celle des générations, celle de l'espèce. C'était un extrait Histoire de la sexualité, la volonté de savoir, toujours ce troisième chapitre, Scienta sexualis, qu'on vient d'entendre, interprété par Bernard Gabé, et qui illustre parfaitement l'extrait de ce film de Michael Haneke de 2009, Le ruban blanc, où on entend cet enfant qui serait accusé en fait d'avoir succombé à un péché de chair, entendez la masturbation, et c'est exactement ce que Foucault dit à la fin de cet extrait qu'on a entendu. Sous prétexte de dire vrai, partout cette science allumée des peurs. Est-ce que ces deux éléments, Daniele Lorenzini, vous semblent parfaitement raisonnés ? Oui, c'est un choix parfait en fait. Et c'est que Foucault essaye de. D'abord, peut-être qu'il faut, dire que dans une première idée que Foucault avait de la série des volumes sur l'histoire de la sexualité, les troisièmes tomes auraient dû s'occuper justement de ce que Foucault appelait la croisade des enfants. Donc cette croisade anti-masturbatoire au XIXe siècle, avec cette idée justement que contrôler ou investir la sexualité non seulement des adultes mais aussi des enfants du point de vue justement du problème de la masturbation devient un enjeu politique important, majeur pour Foucault au XIXe siècle à la charnière si vous voulez entre des contrôles de la population au niveau plus général et de l'organisation de la famille en tant que telle. Parce que du coup, ce sont les parents qui seront investis de cette nouvelle tâche de contrôler, de surveiller les enfants, justement afin d'éviter qu'ils se masturbent. Parce que ensuite, voilà, il y a cette peur, la masturbation. Si des enfants se masturbent, alors ils vont être des dégénérés lorsqu'ils seront des adultes, etc., etc. Alors Foucault prend plusieurs, se focalise, on pourrait dire, sur des foyers de pouvoir comme ça. Donc il y a effectivement les enfants, la figure du pervers, le couple hétérosexuel et puis la femme hystérique. Mais j'aimerais quand même qu'on s'arrête sur la question de la sexualisation ou sexualité des enfants, puisque en mai 1977, Foucault fait partie des signataires d'une tribune dans Le Monde aux côtés de Sartre, de Beauvoir et même de Françoise Dolto pour dépénaliser les rapports sexuels entre les adultes et les mineurs de moins de 15 ans. Tribune qui est ressortie il y a quelques temps, justement sur cette période des années 70 qui se voulait être une période de libéralité des mœurs et qui finalement, en fait, on est venu à créer des situations de violence, de viol, de souffrance et de pas du tout de liberté, bien au contraire. Comment on peut lire les textes de Foucault, notamment dans ce volume sur la volonté de savoir, sur la sexualité des enfants, tout en ayant en tête quand même que Foucault a signé ce genre de tribune et que ça nous semble aujourd'hui scandaleux. Alors, c'est une question immense. Je pense qu'il faudrait peut-être dédier une émission entière justement à essayer de redonner un petit peu les contextes de tout cela. Alors, un contexte, une chose qu'il faudrait dire au niveau du contexte, dans les années 70, et je pense que c'est le cas pour Foucault lorsqu'il décide de signer des tribunes à propos de ces controverses-là, l'un des problèmes majeurs, c'était en fait la discrimination de l'homosexualité. parce que la majorité sexuelle, l'âge de la majorité sexuelle entre pour les hétérosexuels et les homosexuels, ou pour les relations hétérosexuelles et homosexuelles, étaient différentes encore en France. Donc jusqu'à 74, c'était 21 ans pour les relations homosexuelles et 18 ans pour les relations hétérosexuelles. Et il y avait beaucoup d'hommes, justement, qui étaient, ou que Foucault et d'autres croyaient, étaient encore discriminés sur la base, justement, plutôt d'une discrimination de l'homosexualité, plutôt que à propos de l'âge de la majorité sexuelle. Et il faut dire que Foucault a toujours été suspicieux, de toute façon, des rapports entre de manière dont la loi veut dire vrai ou veut essayer de poser justement certaines repères ou certaines limites dans ces domaines-là. Alors, comme vous le dites, justement, il s'agirait à la fois de donner un petit peu de contextualisation historique à tout cela, et aussi de se rendre compte qu'on est dans un contexte et dans un moment historique tout à fait différent, et qu'il y a certaines affirmations et certaines critiques de l'époque qui ne sont bien entendu pas acceptables aujourd'hui. Ce qu'on entend dans le texte sur cette science, en fait, qui prétendrait avoir un point de vue purifié et neutre, hein, ce qu'il appelle la science sexuelle et qu'il oppose à l'art érotique, Foucault essaye de justement aussi de débusquer la manière dont, de la même manière que le droit va imposer une loi à un fonctionnement sexuel, là cette science, elle, va imposer des normes à nos fonctionnements sexuels, mais il y a quand même une forme de... C'est beaucoup plus matiné d'écoute, de compréhension. Quand on entend le père dans Le Ruban Blanc qui parle à son fils, qui est aussi d'ailleurs le père qui est aussi pasteur, on voit bien qu'il essaye d'être dans un rapport d'écoute, hein, comme un peu un médecin ou un psychanalyste ou peut-être aussi des parents. Mais que derrière, en fait, ces rapports qui semblent beaucoup moins hiérarchisés se jouent tout autant, en fait, non seulement du pouvoir, mais... peut-être pas des lois, mais des normes. Oui, et une partie de ce que Foucault essaie de faire dans ses chapitres 3, un petit peu les cœurs du premier tome de l'histoire de la sexualité, c'est aussi de tracer cette différence entre une manière de se rapporter à la sexualité du point de vue de la science, donc la science sexuelle, ou justement la question... serait la vérité du désir, découvrir un petit peu la vérité des désirs sexuels, et donc une différence entre la science de la sexualité et ce qu'il appelle, comme vous l'avez rappelé, l'art érotica, l'art érotique, où la question ne serait pas celle de la vérité du désir, mais plutôt celle de l'intensification du plaisir. Donc, pas des questions de vérité, pas des questions de désir, pas des questions, si vous voulez, d'identité, mais questions des corps et des plaisirs et de l'intensification possible des plaisirs. Et c'est là, si vous voulez, quelque chose, c'est peut-être là l'une des origines possibles de l'intérêt que Foucault aura dans les années 80 et aussi dans les deuxième et troisième tomes de l'histoire de la sexualité, pour les techniques de soi et pour ces nouveaux rapports, ces rapports des soi à soi à propos des actes sexuels qui peuvent être organisés, selon Foucault, dans beaucoup de manières différentes. Et la science de la sexualité et l'idée qu'il faut découvrir la vérité de nos désirs, ce n'est pour Foucault qu'une des manières possibles dont ces rapports des soi à soi a été organisé dans notre histoire. Alors, il faut que je vous pose une question, Daniele Lorenzini, parce que effectivement, Foucault, tout à coup, emploie le terme de désir. Je dirais que c'est à peu près au milieu de la volonté de savoir. Et d'ailleurs, il s'excuse d'être si peu dans la définition, car on passe effectivement du plaisir au désir, ce qui n'est pas du tout la même chose, puisque vouloir normaliser du désir revient à normaliser quelque chose d'imperceptible, quelque chose de l'ordre de l'intention. On a plutôt tendance à concevoir le désir comme une sorte de puissance qui est en nous, alors que le plaisir, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. Quand on a du plaisir, c'est qu'on est déjà en train de faire la chose qui nous procure du plaisir. Et c'est vrai que ce glissement de l'un à l'autre n'est pas très explicité chez Foucault. C'est vrai, mais Foucault essaie de tracer justement cette différence entre désir et plaisir pour essayer de dire que, bon, je dirais que il essaye de nous montrer qu'il y a quand même quelque chose de dangereux dans cette insistance sur la nécessité de découvrir nos désirs. Pourquoi ? Parce que, justement, les désirs, c'est quelque chose, ce ne sont pas des actes, ce sont plutôt, c'est quelque chose d'imperceptible, ce sont des pensées, des rêveries. Voilà, et c'est quelque chose dont il va parler plus longuement dans Les Aveux de la chair, où justement ces moments, il essaie de dire en gros, il y a un moment où les péchés dans l'Occident chrétien ne sera plus pensé comme un acte, comme quelque chose de mal qu'on fait, mais comme quelque chose de mal qu'on pense. Et il suffit de penser quelque chose, il suffit d'avoir un certain désir pour pécher. Ce qui veut dire aussi que, ce qui explique aussi ce passage en fait d'une loi de la sexualité à des normes de la sexualité, puisque les normes vont nous conduire, on va les incorporer et elles vont transformer nos manières de penser et donc nos manières d'agir, alors que la loi va sanctionner un acte qui a déjà eu lieu. Tout à fait, et c'est ces passages d'une loi à des normes qui définissent, selon Foucault aussi, notre modernité et cette idée que d'une certaine manière, on peut être, par exemple, des homosexuels réprimés. Donc, même si on ne passe jamais à l'acte, il y a cette idée que nos pensées, nos désirs, etc., nous définissent quand même, au lieu d'utiliser plutôt, comme c'était le cas selon Foucault dans la Grèce ancienne, de se focaliser sur les actes. Et c'est là quelque chose que Foucault applique aussi à ses réflexions, par exemple, sur la notion d'individu dangereux dans la justice. Donc cette idée qu'il y a tout un champ des virtualités qui ont à voir avec nos pensées, nos désirs, etc., qui peuvent ne jamais passer à l'acte, mais qui quand même nous définissent, ou qui quand même définissent un réseau des normes que l'on doit respecter. Et c'est ça que Foucault trouve de toute façon un peu dangereux. Les disciplines du corps et les régulations de la population constituent les deux pôles autour desquels s'est déployée l'organisation du pouvoir sur la vie. La mise en place au cours de l'âge classique de cette grande technologie à double face caractérise un pouvoir dont la plus haute fonction désormais n'est peut-être plus de tuer, mais d'investir la vie de part en part. La vieille puissance de la mort, où se symbolisait le pouvoir souverain, est maintenant recouverte soigneusement par l'administration des corps et la gestion calculatrice de la vie. Développement rapide au cours de l'âge classique des disciplines diverses, école, collège, caserne, atelier. Apparition aussi, dans le champ des pratiques politiques et des observations économiques, des problèmes de natalité, de longévité, de santé publique, d'habitat, de migration. Explosion, donc, de techniques diverses et nombreuses pour obtenir l'assujettissement des corps et le contrôle des populations. S'ouvre ainsi l'ère d'un biopouvoir. Les femmes sont dans la rue, toutes les femmes sont dans la rue, toutes les femmes. le plus grand rassemblement de femmes jamais organisé en France selon les organisatrices. Une marche de femmes et presque uniquement de femmes. Elles étaient venues manifester très nombreuses, réclamant le droit à l'avortement. Pour les femmes, il s'agit de la libre disposition d'elles-mêmes. C'est pourquoi nous sommes là dans la rue pour manifester contre cette loi sur l'avortement, qui a été un des points de lutte du MLF depuis 10 ans, et c'est très important. C'est que c'est le seul texte de loi qui existe en France et qui régisse le corps, la vie, et c'est la vie des femmes. Et nous ne voulons pas de loi sur nos corps. L'usine appartient aux ouvriers et aux ouvrières, l'utérus appartient aux femmes, et la production de vivants, le droit de faire des enfants, appartient absolument aux femmes. C'est à nous de décider. Aucune loi ne peut décider pour nous. Plus jamais la mort d'une femme pour un refus d'avortement. C'était la voix de femmes qui manifestaient en 1979 pour le droit à l'avortement. L'archive est extrêmement claire dans ce refus de la loi pour contrôler les corps. Et puis on a entendu juste avant un texte canonique de Michel Foucault qui est extrait de l'histoire de la sexualité. C'est tout à la fin, c'est le dernier chapitre, droit de mort et pouvoir sur la vie, où on entend défini ce terme, ce concept qu'on associe en permanence à Foucault sans vraiment savoir ce qu'il recouvre, à savoir le biopouvoir ou la biopolitique. Est-ce qu'on peut dire, Daniele Lorenzini, que cette définition du biopouvoir que donne Foucault dans le texte qu'on a entendu, en fait, est exprimée aussi par ces femmes qui manifestaient dans les années, à la fin des années 70, et qui justement, en fait, refusaient un pouvoir qui s'applique à leur corps? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la définition de biopouvoir est toujours un peu... reste toujours un peu vague, au moins dans les discours effectivement qu'on en fait après. L'idée de Foucault est tout simplement de dire, à partir du 18e et du 19e siècle, les pouvoirs politiques, l'un des enjeux majeurs du pouvoir politique devient celui de maîtriser, de contrôler, de soutenir la vie de la population, dont les pouvoirs ne s'intéressent plus seulement, si vous voulez, à des sujets juridiques, mais à des individus vivants. Et donc avec, justement, des politiques de santé publique, des politiques des problèmes de natalité, des longévités, d'avortement, des contrôles des naissances. Mm-hmm. Et c'est dans ces contextes-là que les sexes et la sexualité deviennent, selon Foucault, un enjeu politique majeur. Parce que, justement, beaucoup de ces politiques de santé publique auront à voir avec un certain contrôle des corps, hein, c'est un contrôle de la sexualité, hein, c'est un contrôle des unions qui sont permises ou pas. Et voilà, c'est un petit peu la manière que Foucault a de conclure ses premiers tomes, mm-hmm, pour nous montrer à quel point la sexualité devient un enjeu politique, non pas individuel, non pas seulement individuel, mais aussi collectif. D'ailleurs, il dit aussi qu'il y a une transformation. On n'applique plus la loi à des sujets, on applique des instruments statistiques à de la population. Ce qui déjà est un changement de terme important. Malgré tout, malgré cette application d'instruments statistiques à l'échelle de la population, donc à une échelle collective, il y a quand même des effets d'assujettissement qui se retrouvent en fait de manière individuelle. Par exemple, dans une manière de pratiquer ce qui serait une bonne sexualité, un nombre d'enfants à avoir ou pas, à tel âge, comment prendre soin de soi. D'ailleurs, on peut aussi noter, par exemple, que maintenant, les statistiques, nous les avons nous-mêmes avec nos téléphones et on va calculer notre nombre de pas, nos battements de cœur, ce qu'on a mangé, ce qu'on n'a pas mangé. Ce qui veut dire qu'on a parfaitement incorporé à un niveau individuel ce dispositif collectif de statistiques. Daniele Lorenzini. Précisément, et Foucault essaye de nous montrer, ou de toute façon, ce que Foucault soutient, c'est que les deux pôles, les pôles de l'individuel et les pôles, si vous voulez, du collectif ou du public, vont ensemble. Hein, et la sexualité se place justement, selon lui, à la charnière de ces deux pôles, dans la mesure où elle nous donne accès à la fois à la vie du corps individuel et à cette maîtrise du corps individuel et à la vie de l'espèce et à la vie de la population avec, comme vous l'avez dit, toujours des nouvelles technologies et des nouvelles applications de la statistique, par exemple, qui nous donnent accès justement à des données qui devraient nous permettre de nous conduire à la fois du point de vue de notre vie individuelle et qui devraient aussi permettre au gouvernement plus en général de comprendre comment réguler certaines domaines de cette vie que l'on pense être privée. Hein. Qu'y a-t-il de plus privé que notre sexualité? Mais qui, ou du moins c'est ce que Foucault essaie de nous montrer, qui n'a jamais été plus public que pendant les deux ou trois derniers siècles. Et pourtant, une dernière question, Daniele Lorenzini. On voit bien que la volonté de savoir, hein, c'est le titre de ce premier volume d'Histoire de la sexualité, est en fait une volonté de pouvoir. Foucault ne cesse, on en a parlé, hein, de vouloir redéfinir ce pouvoir qui n'est pas un pouvoir unique, surplombant, mais qui au contraire est un pouvoir au pluriel, avec des lignes de force, des concepts qui traversent tous les individus. Pourtant, au final, le pouvoir, malgré tout, on doit quand même conserver quelque chose de lui, reste l'assujettissement des individus. Et on est peut-être obligé de se demander, mais pourquoi toujours cet assujettissement des individus? Pourquoi faire? Ah, c'est une bonne question. Vous avez 30 secondes. En 30 secondes, peut-être que ce que je peux dire à propos de cet assujettissement, c'est qu'il y a deux côtés. Hein. L'assujettissement, ça veut dire la subjection des individus, mais ça veut dire aussi la constitution des individus en sujet. Et en fait, c'est cela qui intéresse Foucault. Comment est-ce qu'on se constitue en sujet avec cette toujours un petit peu cette critique de l'idée que l'on peut être complètement libre et en même temps avec ces grands espoirs que Foucault a toujours eu de notre possibilité de toute façon de résister, de pratiquer la liberté à l'intérieur de ces techniques d'assujettissement. On sera toujours sujet, mais on peut être sujet autrement. Merci beaucoup, Daniele Lorenzini, d'avoir ouvert cette semaine sur l'histoire de la sexualité. Alors, l'histoire de la sexualité, vous pouvez la retrouver aux éditions Gallimard. Le premier volume, je le rappelle, c'est La volonté de savoir, et c'est toujours de Michel Foucault. Daniele Lorenzini, de vous, on peut lire Éthique et politique de soi aux éditions Vrin, et puis La force du vrai aux éditions Bordelot. Merci encore. Merci beaucoup. Yo, I don't think we should talk about this. Come on, why not? People might misunderstand what we're trying to say, you know? But that's a part of life. Now to the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't decoy, avoid, or make void the topic, cause that ain't gonna stop it. Now talk about sex on the radio and video. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Salt and Pepper, let's talk about sex, ça tombe bien. Et il est 10h55 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi les philosophes sont-ils fascinés par Antigone? Il y a une figure féminine qui hante presque toute l'histoire de la philosophie, au moins depuis le début du 19e siècle. C'est la figure d'Antigone dans la pièce du même nom de Sophocle. Il y a eu tellement de lectures d'Antigone que le philosophe anglais George Steiner a écrit un livre au pluriel, Les Antigones, pour montrer au fond que presque chaque philosophe, depuis Hegel au moins, a son Antigone. Et alors pourquoi cette importance si grande de la figure d'Antigone pour les philosophes? C'est d'abord, évidemment, pour des raisons philosophiques que Hegel a parfaitement résumées et qui sont au cœur de la pièce de Sophocle. Des raisons qu'on pourrait juger un peu abstraites. C'est l'opposition de la loi divine, de la loi des dieux, par-delà la loi de la cité. Et c'est au nom de cette loi divine, immuable, qu'Antigone vient s'opposer à Créon, Créon qui poursuit la guerre civile, même après la mort des deux frères d'Antigone qui se sont entretués, qui refusent de rendre à l'un et à l'autre les honneurs dus à tout être humain selon les lois divines, et qui donc à qui Antigone oppose cette loi divine par-delà la guerre civile, par-delà la loi de la cité. Hegel cherche à dépasser ce conflit marqué par Antigone, parce que pour lui, la philosophie doit dépasser tous les conflits et finalement réconcilier ce qu'il juge être un universel abstrait et ce qu'il juge être les contradictions concrètes de l'histoire incarnée par Créon. Ainsi, Hegel se saisit-il du problème et d'autres philosophes vont prendre des positions différentes. C'est le cas de Paul Ricoeur, par exemple, qui, dans Soi-même comme un autre, ménage un interlude dans sa construction systématique consacrée à l'irruption du tragique avec Antigone, qui pour lui dépasse la philosophie, que la philosophie ne saura jamais réduire entièrement ou dépasser. Et justement parce que ce conflit entre la loi divine, la loi éternelle et les contradictions de l'histoire ne peut pas être surmontée par la philosophie. Ricoeur introduit ainsi, avec quelques autres, une des dimensions pour lesquelles Antigone fascine la philosophie. C'est justement cette irruption du tragique et d'ailleurs du théâtre, tout simplement au-delà du dialogue et de la pensée abstraite et parfois séparée des conflits humains qui traversent la philosophie. Dans les dialogues de Platon, la présence des femmes est toujours minorée. C'est par exemple la femme de Socrate, si désagréable et qu'il cherche à fuir, ou bien la prêtresse divine, Diotime, qui apprend aux hommes la réalité de l'amour dans le banquet. Mais justement, avec Antigone, c'est le tragique concret qui vient s'opposer à la philosophie, à laquelle la philosophie doit en réalité s'adresser bien plutôt que le dépasser. La dernière raison de l'importance d'Antigone, c'est tout simplement qu'il s'agit d'une jeune femme qui vient marquer l'oubli du féminin dans la philosophie, cette femme qui prend toutes les figures du féminin, la fille, la sœur, l'amante, avec Aimon qui l'a rejoint dans la mort, le fils de Créon, Antigone qui vient incarner aussi cette persistance, cette présence du féminin, non pas en deçà, mais au cœur de l'histoire de la philosophie et de ce qu'elle cherche à penser et parfois à refouler dans son histoire. Merci beaucoup Frédéric. Votre chronique est à écouter sur le site de France Culture à la page du Pourquoi du Comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Thaïs Eloi-Hammer qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Manon Delasselle, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec Laurence Malonda à la réalisation, à la prise de son aujourd'hui Alex Dang. Merci à Bernard Gabé pour la lecture des textes. Si vous voulez écouter, réécouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philo ou sur l'application Radio France. On se retrouve demain pour la suite de notre semaine sur l'histoire de la sexualité de Michel Foucault. Et demain, deuxième volume, l'usage des plaisirs, à quoi bon se maîtriser ? Eh bien, ce sera avec Michael Fossel. À demain sur France Culture.